الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي الدرس الماضي أخذنا حديثين، حديث في تحريم الذبح لغير الله وتحريم السحر. نبقي كم أتدكسيون بعد الحديث. Ouais, et Il y avait plus les 7 péchés capitaux. Ça, c'est dans le sihr. Ça, c'était le dalil du sihr. Les 7 péchés moubiqat. Et celui d'avant, il y en avait un avant, on l'a pris, qui était du shirk akbar également. Quelque chose qui était interdite. Voilà. Non. Dans le hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah maudit. Il a cité trois personnes. Oui, c'est qui insulte ses parents. Voilà. Deuxième. Celui qui insulte ses parents. Deuxième, c'est le shahid du hadith. Man. T'arrives le hadith. Là. C'est pas le sihr. Le sihr, c'était dans le hadith d'après. Ah, celui qui modifie un chemin. Ça, c'est le troisième, celui entre les deux. La'ana Allah man la'ana walidayhi wal akhir la'ana Allah man ghayyara manar Allah wa entre baynahuma il y en a un. C'est le hadith de Ali. La'ana Allah man Allah maudit celui qui Zabaha li ghayrillah, qui a égorgé pour que Allah, qui a sacrifié pour que Allah. Ça y est, autre question. Est-ce que celui qui sort un chapeau d'un un lapin d'un chapeau, c'est un kafir? Non. Ça dépend, c'est toujours le chef. Est-ce qu'il travaille avec les sorciers? En gros, est-ce que lui-même c'est un sorcier? Il a fait du blasphème pour en arriver là. Mm-hmm. Parce qu'il y en a, ils font ça pour s'amuser. En gros, ils font des. Comment on appelle ça? Voilà. Illusionnisme, non. Taïeb. Et si jamais c'est pas de. Il n'a pas utilisé les shayatines et fait du shirk pour cela. C'est un musulman? Il a fait du shirk pour cela. Il n'a pas fait de shirk pour sortir ce lapin du chapeau. C'est un musulman. T'es sûr? C'est sûr. Attention à l'irja. T'as bien compris la question? Celui qui te sort un lapin d'un chapeau. C'est pas bien. Mais lui, celui qui a fait ça, est-ce que c'est un mouchélik? C'est un magicien, du coup, c'est un mouchélik. Ah, toi, c'est le contraire, toi. Lui, c'est Shubat Irja, et toi, c'est Shubat Takfir, à la tol. La question, elle est tellement générale que tu es resté, en fait, figé sur le Ders avec le Tafsil. Moi, je te dis, quelqu'un qui te sort un lapin d'un chapeau, est-ce que c'est un mouchirik? Tu me dis, ça dépend. Et maintenant, je te dis, t'as fait un tafsir qui est correct. Maintenant, il faut que tu vois plus loin par rapport à ma question. Ma question, elle est piège. Il y a un piège dans ma question. Maintenant, je te dis, celui qui a sorti ce lapin de ce chapeau sans faire de shirk et sans avoir affaire aux shayatines, est-ce que c'est un musulman ou c'est un. Tu te dis, c'est un musulman tout de suite? Non, ça peut être un kafir sur autre chose. Garcimore, par exemple, peut-être que tu n'as pas connu Garcimore. Qui? Garcimore. Ouais, t'es trop jeune, toi. C'est un magicien qui venait dans les émissions pour enfants quand on était petit. Un portugais, je sais pas, c'est un portugais. C'était un kafir. Ouais. Attention à la question piège. Il peut ne pas faire de shirk pour sa magie, mais c'est un chrétien à côté, c'est un juif, c'est un bouddhiste, c'est un bouddhiste, ça veut dire, c'est pas un musulman. C'est un mouchlik pour autre chose derrière. Moi, j'ai pas dit un musulman qui sort un lapin d'un chapeau. J'ai dit quelqu'un. J'ai fait un tarmim. Vous voyez? Donc, ça peut être un musulman, ça peut ne pas être un musulman. Ça dépend c'est qui. Qui est cet homme-là? D'accord? Taïeb. Nouassil. Et toi, il faudra que tu apprennes le tafsil sur la magie. C'est pas tout magicien qui a fait forcément du kufr akbar. Il y en a, c'est juste des gestes qu'ils font rapides. Ils font diversion, tu vois rien. Ils n'ont pas fait de shirk pour cela. il a mis ton attention vers un truc, et pendant que tu étais concentré sur autre chose, hop, il a fait une diversion, il a sorti quelque chose sans faire de shirk. Juste, il est habile de ses mains, il est rapide. Tu comprends ? Ça, celui qui fait comme ça, son acte n'est pas du shirk. D'accord ? Comme si tu avais coupé. Voilà. Bah lui il t'a trompé, mais il n'a pas fait de shirk pour faire cela. Il t'a trompé. Taïe. Al-an nakhuz babayn jadidayn. قال خطر الذهاب الى الكهان والعرافين. Le danger de se rendre auprès des devins, astrologues, médiums, voyants, tout ce qui s'ensuit. Kahin, ce sont les gens qui prétendent connaître l'avenir. Wa'arraf, ce sont les gens qui sont plus liés aux choses du passé et qui prétendent connaître, savoir ou trouver les choses perdues. Ainsi de suite. Et ce seraient plus les médiums. Celui qui prétend qu'il parle avec les morts, il parle avec ton grand-père qui est mort, avec ainsi de suite. Ce sont les médiums, ceux-là. Et le arraf serait plus le devin, et dedans, ça rentre toute personne, comme les voyants, comme les gens qui font de l'astrologie, ce genre de choses, qui sont liés au futur. Mais sinon, tous prennent le même jugement. Ce sont des gens qui prétendent connaître l'invisible et l'invisible. Voilà, il n'y a que Allah qui le connaît. Donc par cette prétention, d'accord, ils s'attribuent une chose qui revient seule à Allah, donc ils ont fait du shirk. قال عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل صلاته 40 ليلة أو لا يكري لم تقبل له صلاة 40 ليلة رواه مسلم. Donc un hadith rapporté selon certaines épouses du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, celui qui va voir un raf, donc une personne qui prétend connaître l'invisible, et qui l'interroge sur quoi que ce soit, il l'interroge, juste il l'interroge. Et bien lui, pendant 40 jours, sa salat n'est pas acceptée. Sa salat n'est pas acceptée. يقول الراوي بعد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومن الرواة من سماها حفصة. Donc là dans le hadith c'est abstrait, c'est mubham. Il a été dit certaines épouses, ou ça peut être une des épouses, car des fois bard, le terme bard en arabe ne veut pas forcément impliquer un pluriel. Quand tu dis par exemple bard al-nas yaqul, ça peut être une personne a dit. Nous souvent traduit par certains ont dit. Mais non, en arabe ça peut être certains, ça peut être barz, ça peut être un terme qui implique une seule personne. Entre autres, là, c'est Al-Hafiz, il a dit que cette épouse, c'est Hafsa. Hafsa, qui était la fille de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. Elle était la grande sœur de Abdullah. Donc Hafsa était la plus grande des enfants de Omar. Et c'est une preuve qui vient pour réfuter cette chose qui s'est répandue auprès de beaucoup de gens, que Omar a été de ceux qui ont enterré leur fille vivante dans la Jahiliya. Hafsa était là. Donc il ne l'a pas enterré. Il n'a pas été emporté que les deux enfants avant elle. Donc cela n'est pas vrai. Et quand même il l'aurait fait pour de vrai, l'islam aura pardonné ce qu'il a fait auparavant. Mais en plus, il ne l'a pas fait. Taïb. Donc Hafsa, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec elle, Sanat Thalas min al-Hijra, la troisième année de la Hijra. Après qu'elle était divorcée de Khunais ibn Hazafa al-Sahmi, qui était parmi les Muhajirin. Et Hafsa était la grande sœur de Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu. Elle était connue pour être une femme qui jeûnait beaucoup et qui faisait beaucoup de qiyam. À tel point que pour faire le qiyam al-layl, elle s'accrochait à un fil pour ne pas s'endormir. Et le Nabi Salim, bien sûr, a corrigé cela en disant « Alikum bima tutikum min al-armel » Faites des œuvres, qu'est-ce que vous pouvez supporter. Si jamais tu vois que tu vas dormir, va dormir. Car il a dit, celui qui voit qu'il va dormir et qu'il veut faire la salade, qu'il aille dormir. Parce qu'il se peut que dans son soujoud, ça s'en rend compte, il s'insulte lui-même. Tu es dans la somnolence, tu dis des choses, tu ne sais même pas ce que tu dis. Donc en même temps, tu perds le khushu'a. T'as pas de concentration dans la salate, donc la salate, en réalité, elle vaut rien. T'as fait les gestes, ce qu'il faut, mais t'as pas rempli toutes les conditions, t'as pas du khushu'a. Tayyib. Et il n'indique pas la date de sa mort. Ar-radiyallahu anha. Ah si, توفيت في جمادى الأولى سنة 41. Elle est morte la 41e année de la Hijra. يقول من أتى عرافا، donc le عراف هو الذي يتعطى معرفة مكان المسروق ومكان الضالة ونحوهما. وهو من جملة الكهان والكاهن يتعطى الأخبار عن الكوائن في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار. Donc le Arraf, comme on l'a dit au début, c'est lui qui prétend connaître les choses perdues ou volées. Donc les choses de l'invisible, car en réalité, il ne peut pas le savoir. Et le Kahin, c'est lui qui prétend connaître les choses du futur. Et les choses secrètes. Il a dit, Fasalahu an shay. Donc maintenant, c'est lui qui va voir une de ces personnes-là, et qui l'interroge sur quoi que ce soit. Yaqul itiyan al-kuhan lahu thalath ahwal. Allez voir ces gens-là, il y a trois cas de figure. Trois cas de figure. Al-Ula, an yatiyahu lilinkar alayhi, fahaza ma'jurun. Premier, celui qui va voir ces gens-là pour les blâmer et pour les dévoiler. D'accord ? Donc, ça, c'est une chose qui est louable de la part de celui qui est en mesure de le faire. Il va voir un kahin pour lui montrer que c'est un imposteur. Il va voir un raf montrer aux gens que c'est un imposteur. Et il l'interroge pour le piéger. الثانية أن يأتيه فيصدق بما يقول فهذا كفر لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن حيث قال الله عز وجل كل يعلم من في السماوات والأرض والغيب إلا الله ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو غرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. Donc deuxième cas de figure, celui qui va le voir, qui l'interroge et qui le croit dans ce qu'il dit. Il l'interroge et il le croit dans ce qu'il dit. Alors lui, son jugement, c'est que ça devient un kafir à ce moment-là. Pourquoi ? Car cela revient à démentir la révélation. Car dans le Coran, elle a dit dans le sens, dit que nul ne connaît ce qui est dans les cieux et dans la terre, ni l'invisible, hormis Allah. Donc le Ghaib, il n'y a que Allah qui le connaît. Et le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui va avoir un kahin ou un harraf et qui l'interroge sur quelque chose et qui le croit dans ce qu'il dit, aura certes mécru en ce qui a été révélé à Mohammed. Donc le hadith, il est clair. Et troisième cas de figure, un yatiyahu fa yanzura hal yasduku al-waqi' aw la yasduku. Fa hadha yuqbal lahu salat 40 yawman. Il y a celui qui va le voir pour l'interroger par curiosité pour voir ce qu'il dit est vrai ou pas. Tu as des gens, ils entendent qu'il y a là-bas, il y a une personne prétend connaître l'avenir. Il dit, ah ouais, je vais aller voir, pour voir si c'est vrai. Donc, c'est-à-dire qu'il a un doute, car normalement, le musulman qui a une bonne arqueda, il sait que c'est faux direct. Et que même si c'est quelque chose, c'est une information qu'il aura su en faisant du shirk. Donc, quoi qu'il en soit, c'est une personne qui est mauvaise. Donc, il va le voir pour dire, tiens, on va voir si c'est vrai ce qu'il dit. On va voir. Donc, lui, il rentre dans le hadith qui dit que sa salat n'est pas acceptée pendant 40 jours. Et si, en plus, ce kahin est un iptilet pour lui qui dit une chose qui est véridique et qui le croit, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Wa alaykoum as-salam wa rahmatullah. Enfin, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Il aura mécru. Et les ulama, ils disent que ça, c'est valable pour même les gens qui vont dans les chroniques astrologiques, dans les journaux, ou maintenant dans les sites, dans les tatbiqat, les applications dans les jawal. Il va juste regarder. Tiens, on dit quoi sur les sagittaires ? On dit quoi sur le gémeaux ? On dit quoi sur le capricorne ? D'accord ? Et bien ça rentre dedans. C'est pas simplement le fait d'aller voir une personne physique forcément, mais le fait d'aller chercher une information d'une chose que seul Allah connaît auprès des créatures. Donc cela rend le même jugement. Cela rend le même jugement. Donc ce hadith nous enseigne que cela est du shirk, que de croire une personne qui prétend connaître l'invisible. Et quand même des gens arriveraient à avoir des informations de l'invisible, du futur ou autre, cette personne-là ne l'aura fait qu'en faisant du Shirk Akbar. Donc, on ne le croit pas. D'accord ? On ne le croit pas. Dans ce qu'il dit. Il y a quoi le fawaïd al-hadith ? Les enseignements du hadith. Tahrim al-kahana wa annaha shirkun. لأن تتضمن دعوة مشاركة مشاركة الله تعالى في علم الغيب. Donc il est interdit d'aller voir les gens qui prétendent connaître l'invisible. Car cela est du shirk, car cela amène à prétendre que des gens également sont en mesure de connaître l'invisible avec Allah Azza wa Jal. Et ça a été démenti par le Coran. ثانيا أن الغيب لا يعلمه إلا الله. Que seul que Allah connaît l'invisible. ثالثا تحريم الذهاب الى الكهان والعرافين وسؤالهم لهم ولو لم يصدقهم. Et qu'il n'est pas permis d'aller voir ces gens-là pour les interroger même si tu ne le crois pas. Sauf dans un cas, lequel? Tu peux aller les voir pour les interroger sans les croire. On l'a dit au début, premier cas de figure. Ah, ouais, pour les dévoiler aux gens. رابعا ان المجيء العرافين وسؤالهم مع موانع قبول العمل من موانع قبول العمل. Et qu'aller voir ces gens-là, les interroger, est une cause pour que ton acte ne soit pas accepté, entre autres. Quel acte qui n'est pas accepté là? La salat. Est-ce que le fait que ta salat ne soit pas acceptée veut dire que tu ne fais pas la salat? Tu es dispensé de la faire? Non, tu dois la faire quand même. Seulement, tu n'as pas la récompense à en tirer. Mais si tu ne la fais pas, alors là, tu as mécru par tel que salat. Donc que ce soit dans ce hadith-là, dans d'autres hadiths, كل hadith ينصل أن من فعل كذا وكذا فلن تقبل له كذا وكذا وكذا من الواجبات ما زال الحكم عليه أن يقوم بهذه الأشياء. Tout hadith qui implique que celui qui fait tel et tel acte, telle et telle chose de lui n'est pas accepté parmi les choses obligatoires, il doit quand même les faire. D'accord ? Pour min barat al-zimma, pour qu'il ne soit au moins qu'il aura rendu son, fait son devoir d'avoir fait cet acte-là. Maintenant, il n'en tirera aucune récompense. C'est le cas, par exemple, pour qui a bu de l'alcool. Sa salat n'est pas acceptée pendant 40 jours. Mais dans l'alcool, ça rentre tout ce qui est enivrant, même les drogues, ça rentre dedans. Khamisan, anna man zahaba il kohen wa arrafin wa lam yusaddiqhum lam tuqbal salat 40 yawma wa in saddaqhum kafara bima unzila ala Muhammad. Et comme on l'a dit, celui qui va voir ces gens-là, sans les croire, par curiosité, il va les voir. Lui, sa salat n'est pas acceptée pendant 40 jours. Et si jamais il le croit, là, il aura mécru en ce qui a été révélé à Mohammed. Taïeb, Souhel. Quelqu'un te dit... Tu cherches quelqu'un. Par exemple, tu ne sais pas où il est. Quelqu'un te dit, Foulen, il est à tel endroit. D'accord ? Il te dit, Foulen, il est à tel endroit. Donc il a révélé une chose de l'invisible. Non ? Hein ? C'est une question d'instruction. Réponds par ce que tu connais. C'est plus ancien que l'invisible. Non. L'invisible qu'on voit pas, la seule maîtrise, et l'invisible. Enfin, l'invisible logique un peu. Je vois pas mon cœur, mais c'est que j'ai un cœur. Tu vois ça? Ouais. Ça s'appelle el-rib el-nisbi. C'est une chose qui est relative. Et ça peut se différer d'un cas à un autre. Par exemple, moi, demain, je ne peux pas te dire Foulen, Athalan, je ne sais pas, moi, on va dire là, si quelqu'un me demandait il est où Athalan, Lounes, et qu'est-ce qu'il fait? Je dis, je ne sais pas. Si je prétends quelque chose, je prétends l'invisible. Je veux dire, Lounes, il a tel endroit, il fait telle chose. Comment je peux le savoir? On ne peut pas le savoir. D'accord, je te dis Lounes, il a tel endroit, il fait telle chose maintenant, là. Comment tu le sais? Je le sais. Maintenant, on pose la question à Ahmed Nassalem. Il veut dire, moi, je sais, il est où? Je sais qu'est-ce qu'il fait. Comment tu sais ce que je l'ai appelé il y a 5 minutes? Lui, là, maintenant, il a une indication. Moi, j'en avais pas. J'ai parlé comme ça de moi-même. Sauf si je sais qu'il a l'habitude de faire ça. quotidiennement qu'à telle heure, il va à tel endroit, il fait telle chose. Là, je parle d'un cas, je ne sais rien. Et je te dis, il est à tel endroit, il fait telle chose. Et je te l'affirme. Là, j'aurais prétendu l'invisible. Et l'autre frère, il sait, parce qu'il dit, je l'ai appelé à 5 minutes, il m'a dit qu'il allait à tel endroit, il allait faire telle chose. Donc, il fait ça et ça. En théorie, maintenant, peut-être qu'il a changé de plan au dernier moment ou quoi, mais en théorie, il est censé à tel endroit faire telle chose. Donc là, c'est pas c'est comme la météo, par exemple. Tu vois la météo, ils te disent, demain, il va pleuvoir. On ne sait pas ce qui se passe demain. Eux, ils font, c'est basé sur des calculs. Voilà, des prévisions. Il y a des indices qui te montrent qu'il va se passer telle et telle chose, c'est tout. C'est comme quelqu'un qui... l'exemple, quelqu'un qui regarde là, avec ses yeux, il voit une certaine distance, c'est quelqu'un qui est avec des jumelles. C'est que les jumelles, il va voir plus loin. Il a un accessoire. Il ne connaît pas le rayon, mais il dit, moi, j'ai un accessoire qui me permet de voir plus loin que toi. Donc, je vois que jusque là-bas, à 3 km, il se passe telle et telle chose. Mais toi, tu ne vas pas le voir. Pourquoi ? Tu n'as pas de jumelles. Donc là, il n'y a pas de prétention de connaître l'invisible. Là, ce sont des faits, des éléments qui t'amènent à pouvoir savoir certaines choses. Mais tu en as, ils n'ont rien de tout ça. Et te dire, demain, tu vas mourir. Bon, à part si t'as affaire à un mafieux qui veut te faire la peau, tu vois. C'est autre chose. Tu vois, qu'elle a ton préserve. Mais dis comme ça, demain, tu vas mourir. Comment tu le sais? Je le sais, c'est tout. Là, c'est dire, ah, il me l'arrive. Tu vois. Demain, il va t'avoir telle et telle chose. Dis comment tu le sais? Je te le dis. Tu vois. Il n'en sait rien. Et quand même, ça arrive pour de vrai. Eh ben, cette personne-là, il ne faut pas la croire. D'accord? Il ne faut pas la croire. Donc croire en une chose liée à l'invisible ou au passé que personne ne peut connaître, d'accord, ça revient à faire du shirk, car c'est min ma yartas bihi Allah azza wa jal. Fahada huwa al hadith al awal min hada al dars wa huwa sabi' min hada al kitab. Thumma qal thamin, huitième, tahlim ta'liq Al-Haroz ou Al-Tama'im. L'interdiction d'accrocher des, tout ce qui est talisman et amulette. Qal an Uqba ibn Amir radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aqbala alayhi rahtun fabayi'a tis'hatan wa amsaka an wahidin faqalu ya Rasulullah ma ya'ta tis'hatan wa tarakta hadha qala inna alayhi tamimatan فادخل يده فقطعها فبايعه وقال من علق تميمة فقد أشرك رواه أحمد. Donc selon Uqba ibn Amir, que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a reçu un groupe d'hommes, une dizaine maximum, et ils l'ont porté allégeance, prêté allégeance. Il a accepté de 9, et sur les 10, 9, il y en a un, il a refusé. Ils lui ont dit, tu as accepté de 9 personnes et tu en as refusé un. Pourquoi ? Il a dit parce qu'il portait une amulette. Et après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, non, cet homme-là, je ne sais pas si le hadith, il parle du Nabi sallallahu alayhi wa sallam ou cet homme-là lui-même, il dit qu'il a arraché cette amulette. Et ensuite, il l'a porté à allégeance. Et là, c'est accepté de lui. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui accroche un talisman aura certes associé. Le rawi, c'est Uqba ibn Amir, al-Juhani, Abu Absin, al-Misri, sahib al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Kana aliman, mukri'an, fasiha, min ahsan al-nas sawta, بالقرآن فقيها فرديا شاعرا كبير الشأن ومن الرماة المذكورين. Donc cet homme-là était accompagné du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'était un savant. C'était quelqu'un qui récitait beaucoup du Coran. Il était très éloquent. Et il avait une très belle voix pour lire le Coran. C'était un juriste, il avait du fiqh, et surtout dans la science des fara'iz, qui est la science de l'héritage. C'est un poète, il avait un haut rang, il était également un archer. Mashallah, beaucoup de vertus, cet homme-là. Sans le simple fait qu'il soit un sahabi, ça suffit. même si on était un homme, tu n'aurais pas toutes ces vertus-là, c'est un sahabi. Déjà, c'est le niveau le plus haut qu'un homme puisse avoir en dehors de la prophétie et du message. Alors, qui plus est, un sahabi qui a des qualités. Peut-être que d'autres n'ont pas. Hein ? Uqba ibn Amir. Non. Et il a été gouverneur sous l'autorité de Muawiya pendant 3 ans. Il a rapporté 55 hadiths. Donc c'est un muqil. Quand les sahabas, t'as les muqsirun, ceux qui rapportent beaucoup de hadiths. Qui c'est lui qui en a rapporté le plus ? Abu Huraira. Et d'autres, on en a rapporté moins. Et certains sahabas, on n'a rien entendu d'eux. On les connaît de nom, mais on a rapporté de hadiths. Et comme cela pourrait surprendre les gens, qui était le sahabi le plus savant ? Abu Bakr al-Siddiq. Et pourtant, c'est un muqil dans le hadith. Il n'était rapporté de lui que 100 hadiths. Et les gens se posaient la question. Comment c'est qu'il était le plus savant ? Il était tout le temps que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et on entendait de lui que très peu de hadiths. Parce qu'Abu Bakr al-Siddiq, par la suite, a été occupé par le commandement des muslimines. Donc les gens ne venaient pas le voir pour avoir des hadiths. D'accord ? Alors tu en avais d'autres, ils ont appris, et ils étaient plus disponibles, ils ont pu rapporter comme Abu Huraira, comme Ibn Abbas, comme Aïcha. Beaucoup de gens venaient voir Aïcha pour entendre ce qu'elle a connu du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que d'autres gens n'ont pas vu parce qu'elle était son épouse. Donc le fait qu'un sahabi n'ait pas donné beaucoup de hadiths ne veut pas dire qu'il n'ait pas du ilm. Peut-être qu'il était occupé par autre chose. D'accord ? Mais pourtant, il est certain que Abu Bakr al-Siddiq avait plus de hadiths qu'Abu Huraira. Car il a connu Nabi sallam depuis le début de la révélation jusqu'à sa mort. Alors qu'Abu Huraira n'est arrivé que combien de temps avant la mort du Nabi sallam ? 4 ans. 4 ans. Mais c'est celui qui a mémorisé le plus et qui a rapporté le plus. Même Abu Bakr al-Siddiq était bien plus savant que lui. Omar était bien plus savant que lui. Il avait dit Nabi sallam, si on comparait la science de Omar à celle de l'humanité, d'accord, que Omar l'emporterait. Il l'emporterait. Et Abu Bakr al-Siddiq était plus savant qu'Omar. Et le plus savant n'est pas celui qui parle le plus. Il faut bien se dire ça. Ce n'est pas celui qui parle le plus forcément. Et tu peux avoir même quelqu'un qui a plus de ilm et qui n'a pas beaucoup de hifz. Mais comme tu donnes un texte, il comprend tout de suite ce que ça veut dire. Par exemple, le Coran, il ne l'a pas forcément par cœur, mais quand il est inversé, il sait ce que ça veut dire. Tu leur apportes un verset, ils sont là pour l'expliquer. Et tu en as d'autres, ils ont le Coran par cœur, des hadiths par cœur, mais ils ne savent pas s'en servir, ils ne comprennent pas. Et il a dit Nabi sallam, « وَرُبَّ حَافِسْ لِسَبِي فَقِيهِ » Tu as des gens qui ont du hifz, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils ont. Et tu en as d'autres, il a dit « وَأَفْكَرْ مِنْهُ » Et d'autres, ils ont moins de mémorisation, mais ils ont plus de ilm. C'est-à-dire, tu donnes un hadith, tout de suite, il va t'expliquer. Ce hadith veut dire ça, ça, ça, ça, ça, ça. D'accord ? Et tu en as, ils ont des bibliothèques dans leur tête, et pourtant, ils sont des égarés, ils sont des innovateurs. D'accord ? Et les hadiths, en réalité, sont des hujja contre eux. Et tu en as d'autres, ils ont pas beaucoup, mais le peu qu'ils ont, ils l'ont compris, ils l'ont maîtrisé. Et parce qu'il le peu qu'ils ont, il y a une baraka qui fasse qu'ils expliquent beaucoup de choses. Alors, que dire quelqu'un qui a du hifz et qui a du ilm, ça c'est le top, bien évidemment. Donc maintenant, dans le hadith, il a dit qu'un groupe de gens sont venus le voir. À Rahd, c'est ce qu'il y a une dizaine de personnes. Un groupe de 10 hommes dépourvus de toute femme. Il n'y a pas de femme, il n'y a que des hommes. Et qu'un homme, il avait un tamima. Et tamima, c'est un pendentif. Tu'alak fi ras, kanu fil jahiliya yataqiduna anna zalika yadfa' al afat. C'est un pendentif qui est porté dans le but de repousser le mal. Les gens pensent qu'en portant ce pendentif, ça repousse le mal. Ou ça apporte un bien. Donc, effet de porte-bonheur. Par exemple. Là, on parle de pendentif, ça peut être plein de choses, hein. Plein de choses que les gens vont avoir et qui vont dire, par cette chose-là, ça me repousse un mal, ça m'apporte un bien. Il y a plein de croyances, plein de mythes chez les gens qui croient que telle chose porte bonheur, telle chose porte malheur, telle chose porte bonheur, telle chose me protège, telle chose me nuit, alors qu'il n'y a rien. D'accord ? Il n'y a rien du tout. Donc de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, cet acte-là, est considéré comme étant du shirk. D'où le fait que le Nabi sallam ne l'a pas porté allégeance pour le blâmer. pour le blâmer. Et il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man allaka tamimatan, celui qui a porté un pendentif, une amulette, talisman, tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, c'est la main de Fatma que tu vas voir, où tu vas cette espèce d'œil-là, un œil là qui porte là. Le truc turc, ouais. Par exemple. Et il porte cela pas comme une parure, pas pour faire du style, pas comme un bijou. Il a une croyance à cette chose-là. Que ce soit comme un gris-gris africain, que ce soit un bout de cuir, que ce soit du bronze, que ce soit de l'or. Bon, à la base, l'homme, il porte pas d'or. Peu importe ce qu'il porte, il a une croyance en cette chose-là, qu'elle lui apporte du bien, qu'elle repousse un mal, d'accord ? Lui, il aura fait du shirk. Et il a dit dans un autre hadith, « Man allaka shay'an wukila ilayhi » Celui qui a construit quelque chose, il lui sera confié à ces choses-là. Ça veut dire qu'il sera confié à autre que Allah Azzawajal. Tu seras confié à une chose qui ne peut rien faire pour toi. À un objet inerte, qui était fabriqué de ta main. Qu'est-ce qu'il va faire pour toi ? Il ne va rien faire pour toi. Tu le prends, tu le jettes, il tombe par terre. Il ne peut rien faire pour lui-même. Il va faire quoi pour toi ? Rien du tout. Donc toutes ces croyances-là sont des croyances polythéistes. D'accord ? Il n'existe pas de talisman, d'amulette ou d'objet ou autre qui te repousse un mal et qui t'apporte un bien. Donc après, cette croyance-là, elle se divise en deux. Parce qu'il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Fakad ash-sharak » Celui qui a fait cela, il a fait du shirk. Maintenant, il y a un tafsil qui est connu. Est-ce que toute personne qui porte ce genre de choses ou qui a une croyance similaire sort de l'islam automatiquement ? Déjà, il peut être excusé par son ignorance. C'est le cas de ce sahabi, il ne savait pas. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a blâmé. Mais il n'a pas kafar, parce qu'il ne l'a pas dit après, refais ta shahada. Il ne savait pas. C'est sûrement nouveau, converti, Allah alam. Il avait encore des choses de la jahiliya qu'il ne connaissait pas. N'empêche que le Nabi sallam a agi pour le blâmer pour cela, pour lui montrer que c'était une erreur. Et une erreur qui est grave. Ce n'est pas une petite erreur. C'est une erreur qui est grave. Et après, l'homme, tout de suite, il s'est corrigé, évidemment. Maintenant, est-ce que celui qui fait cela, qui porte un pendentif, ou un bracelet, ou objet qu'il est chez lui, il se dit cet objet-là va me protéger. Est-ce que lui a fait du shirk akbar automatiquement et directement ? Est-ce que celui qui s'est accroché à un objet en pendentif, par exemple, il se dit cet objet-là me protège du mauvais œil, me protège de telle et telle chose, m'apporte du bien et repousse le mal. Tout de suite, il a fait du shirk akbar. Non. Pas forcément. Peut-être. Ça dépend de sa croyance. Ma wa tafsil, Yada. Ça dépend de son interprète. Non. S'il pense que c'est l'objet en soi qui le protège, par le chakra. Et s'il pense que c'est juste une racine intermédiaire et que c'est Allah Azzawajal qui le protège malgré tout, c'est du chakra. Arsent, Aïda. Il porte son talisman et il se dit que ce talisman en lui-même protège. Donc, c'est-à-dire qu'il aura attribué à une créature ce qui revient à la seule. Donc, là, il leur fait du shirk akbar. Et après, il dit, non, je sais que c'est elle qui me protège. Mais, cet talisman est une cause par laquelle Allah me protège. On dit, il aura fait rendre une cause qu'Allah n'a pas rendu cause. Donc, il aura pris quoi ? Il sera permis d'émettre un jugement dans le kaun, dans la création, qui ne revient pas. Allah n'a pas mis cette chose-là comme étant un sabeb, donc toi, tu ne peux pas arriver prétendre que c'est un sabeb. Donc là, il leur fait du shirk asrar. Car il leur dit, c'est pas cette chose-là en elle-même qui me protège, c'est Allah. Cette chose-là est un intermédiaire, en fait, une forme de cause. Et هذا هو الشرك في الربوبية. C'est le shirk dans la seigneurie. Car ça rentre dans les actes d'Allah, Azzawajal. Le fait de protéger ou de nuire pour qui doit être nuit, ça rentre dans الربوبية. Donc ça, c'est une règle qui est générale. Attribuer à une chose, d'accord ? Des caractéristiques d'Allah Azzawajal directement, de ce qui lui est propre, en disant cette chose-là en elle-même fait telle chose que seul Allah peut faire, c'est le shirk akbar. Maintenant, quelqu'un va dire non, cette chose-là, c'est Allah qui en a fait une cause, d'accord ? Alors c'est du shirk asrar. Et c'est valable plein de choses, hein, dans des remèdes et autres. Quelqu'un va dire par exemple, telle chose-là est guérie en elle-même. On dit non, t'as pas de preuve. Il dit non, C'est pas elle qui guérit, mais Merlin en fait une cause. Je fais quelle preuve t'as, médicale ou scientifique ou quoi, ou même expérience. Quelqu'un a déjà fait cela avant. Alors quelqu'un il vient avec un bracelet, il met à son pied, il dit ça protège du mal des dents. On dit où le rapport entre ça et tes dents. D'accord. Si tu as des gens expérimentés qui l'ont vraiment déjà testé, qui l'ont prouvé, l'effet instantané qui a un lien, possible. Mais s'il n'y a rien, non. D'accord. Et il y a plein de gens, ils inventent des choses, des remèdes, qui n'ont à la base aucune origine. Et ils tombent dans cette forme de shirk, malheureusement. Cette chose-là, elle protège. Cette chose-là, elle guérit. Cette chose-là fait telle et telle chose. Entre ceux qui croient que la chose agit en elle-même, et ceux qui croient que cette chose-là, c'est Allah qu'on a fait une cause, alors que ce n'est pas le cas. Donc, هذا هو الحكم من هذا الحديث. يقول فوائد الحديث. تحليم تعليق التمائم وأنها من الشرك. L'interdiction d'accrocher des talismans à amulettes et qu'elles font partie du shirk. Et cela est valable également pour ce que les gens font en accrochant un mushaf tout petit autour du cou. Ils vont dire mais c'est le Coran, c'est la parole d'Allah. On dit le Coran, la parole d'Allah te protège par l'application. C'est en appliquant ce qu'Allah dans le Coran te dit que tu auras des causes de protection. Le mushaf en lui-même, l'objet en lui-même, tu en as le mettre sur le pare-brise de la voiture par exemple. On dit ça le protège, ça protège de rien du tout. Et tu n'as aucune preuve, il n'y a aucun hadith, aucun verset qui dit que le Coran en lui-même, l'objet, te protège. Par contre, il y a le Coran dans le surat al-Baqarah, comme l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est une maison dans laquelle le surat al-Baqarah est resté, le shaitan n'approche pas. D'accord ? Donc il y a des choses. Et d'autres faits comme ça. Et que Ayat al-Kursi, celui qui l'a récité avant de dormir, le shaitan ne l'approche pas. Par exemple, al-Mu'azzatayn, le fait de lire surat al-Ikhlas, enfin, surat al-Nas, surat al-Falaq, ça guérit. Là, on a des adillah. Mais le mushaf en lui-même, l'objet en lui-même, non. Ou écrire des versets sur les murs, comme des gens les font. Encore pire, ils le font pour décorer les maisons. Ça, c'est Mayajuz. Le Coran n'a pas été révélé pour cela. On ne décore pas la maison avec une... Même dans les masajides, hein, tu vois des masajides, il y a des versets là, là, là, là. Problème technique. Bon, de toute façon, on arrive à la fin du dirs, les gens écouteront par la suite. Donc on disait, tout cela, bien que ce soit du Coran ou quoi en soi, ce ne sont pas des causes. D'accord ? Ce ne sont pas des causes. Et au minimum, bien que certains salafs l'ont autorisé, c'est une erreur de leur part, je crois que c'est Ibn Mas'ud qui l'avait autorisé, si je ne me trompe pas, au minimum, ça c'est une bid'a. Car si le Coran le portait en lui-même, apporte quelque chose, le Nabi Sansam l'aurait fait avant nous, et les Sahaba l'auraient fait avant nous. D'accord ? Pour autant, personne ne l'a fait à notre connaissance. Donc, « Kullu zalik munkar wa mardoud shara'an wa qad yakun shirkan akbar ou asghar. » Yakul thaniyan an al asbab allati la athara laha bi muqtada ashar ou l'aada ou tajriba la yantafi' biha l'insan. Que les choses qui n'ont aucun impact, que ce soit par les règles religieuses ou par le commun des gens ou par l'expérience, ne servent à rien. Il n'y a aucune utilité en cela. Et si on a une, elle est fausse. Thalithan, mashru'iyat al-hajr wa li'arad an ahl al-ma'asi wa al-zahira. Qu'il est légiféré de boycotter et de se détourner des gens des péchés apparents. Car cet homme-là, ce qu'il a fait, c'est un péché apparent. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est détourné de lui. Il n'a pas accepté son pacte d'allégeance. Rabi'an, sur'at imtisal al-sahaba li amr al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui montre à quelle rapidité les sahaba obéissent au nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tout de suite, quand ils disaient une chose, ils acceptaient automatiquement. Contrairement à notre époque. Aujourd'hui, les gens font des choses, des mukhalafat, tu leur dis, mayajouz, tu donnes un verset, un hadith. Oui, mais. Oui, mais. Polémique. Il n'y a pas de oui, mais. Il y avait un homme, à l'époque du nabi sallallahu alayhi wa sallam, كان يأكل بالشمال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل باليمين قال ما استطيع قال ما استطعت ولم يرفع بعدها يعني ما يرفعها يعني بعده il y avait un homme qui mangeait de la main gauche le Nabi صلى الله عليه وسلم lui a dit ne mange pas de la main gauche mange de la main droite il a dit je ne peux pas il pouvait juste par orgueil il a dit je ne peux pas Il a dit le Nabi Sallam que tu ne puisses plus le faire. Il n'a plus jamais pu lever sa main droite par la suite. T'as, imagine-toi aujourd'hui avec tout ce que nous on polémique quand on a un hadith, oui mais, on serait des paraplégiques aujourd'hui alors qu'il est. Si ça doit arrêter exposé sur nous, toutes les fois on dit oui mais on polémique, allez, on... c'est fini pour nous. Juste le fait qu'il lui a dit mange de la main droite, il n'a pas voulu. Chose très simple à faire, il pouvait le faire. Ça y est. Eh bien, regardez ce qui est arrivé. Donc voilà. Donc attention, comme a dit Allah Ta'ala, que prenne garde que ceux qui s'opposent à son ordre, qu'ils ne soient atteints d'un mal ou d'un châtiment douloureux, d'une fitna. Le fait de refuser un ordre du Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui est clair, c'est une chose qui est très dangereuse. Les Sahaba, quand ils disaient un ordre, tout de suite ils agissaient. Quand nous sami'na wa ata'na, ils disaient nous avons entendu. Nous avons obéi. Qal wujub inkar munkarat al-shirkiyya, qui est obligatoire de blâmer les choses blâmables relatives au shirk, et même autre que le shirk, à la bid'a et au ma'asi. Inkar munkar, c'est une chose qui est wajib, et chacun en fonction de son niveau, de sa capacité, et sans apporter un plus grand mal derrière. Hadha alladhi akhadhna min hadhain al-hadithain al-yawm, naktafi bi hadha al-qadr, subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.